premier matin. Le premier matin qui s'en souvient. Du premier matin où l'on se réveille près d'un visage aimé. Le premier matin, tu es là et moi, je n'y crois pas, mais je sens tes mains, ton corps me demande et tout le mien. Les yeux blessés et le corps brûlé. Mais l'amour nous mord et je n'accepte plus de fin. Et tu reviens et nos gestes arrachent de nous des bons païens dans l'agonie que l'on retient. Le premier matin, quand il s'est éteint, qui s'en souvient du rire à ses regards, de nos lois brisées par un gros de cri. Je t'ai dans l'amour donné. Le premier matin, dont plus jamais nul ne se souvient. Pour nous ce matin est toujours vivant quand le soleil revient. Oh.